avant tout, c'est un esthétisme. Je trouve beau le vert, je trouve beau la forme de la nature, la forme des végétaux. Et en plus, si ces végétaux-là peuvent embellir notre environnement et ils peuvent le nourrir, c'est du simple bon sens. Pour moi, c'est ça l'agriculture urbaine. Je dirais que l'agriculture urbaine est toute activité pour faire pousser des petits fruits, des légumes dans un cadre qui est urbain, ce qui veut dire qu'il y a des contraintes autres qu'en milieu rural. Ça veut dire qu'on a des bâtiments, qu'on a des sols souvent qui ne sont peut-être pas accessibles ou ne sont pas adéquats pour faire l'agriculture. Donc, il faut imaginer autrement. On peut inventer, on peut créer. On ne pense plus l'agriculture de manière horizontale, mais on peut la penser de manière verticale, donc en trois dimensions. Tout le monde devrait cultiver la terre et savoir connaître le goût de manger ce qu'on récolte, s'approcher au bonheur. Et ça donne du sens à la vie. Fabien Wegmüller, Éric Duchemin et Lévania Henschel participent à la première école d'été d'agriculture urbaine à Montréal. Avec eux, 70 personnes, étudiants, travailleurs des jardins collectifs et communautaires, représentants des écoquartiers. Ils viennent de Montréal, Québec, Chicoutimi. Éric Duchemin est un des responsables de l'événement. En fin de compte, cette idée-là est émergée d'étudiants qui ont créé le collectif de recherche en aménagement paysager en agriculture urbaine durable, donc le CRAPO à l'Université du Québec à Montréal. On s'est mis ensemble pour créer une école d'été, parce que l'agriculture urbaine est quelque chose qui existe de plus en plus présent. Donc cette école-là est vraiment émergée du collectif de recherche qui s'appelle le CRAPO, beaucoup soutenu par des étudiants. Et après ça, il y a l'Université du Québec à Montréal qui a voulu aussi appuyer ça, l'Institut des sciences de l'environnement et la Ville de Montréal, à la fin, a donné un petit subside pour nous aider à faire la première école d'été qui est supportée par des bénévoles. En fin de compte, on veut transmettre des informations, les connaissances actuelles qu'on peut avoir sur qu'est-ce que l'agriculture urbaine. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment des intervenants sur la vision pédagogique. On a vu aussi la question de production. Est-ce que l'agriculture urbaine est intéressante pour nourrir la ville? Est-ce que, quelque part, un jardin collectif ou des jardins communautaires, l'agriculture urbaine en soi est un lieu d'empowerment politique? Et on va voir aussi, d'après ça, des questions plus environnementales avec le milieu urbain, qui est un milieu souvent considéré comme contaminé. Est-ce possible de faire pousser des légumes en ville et avoir des légumes de qualité? Ce jour-là, la formation théorique porte sur l'éducation à l'environnement. Dans plusieurs jardins collectifs, comme dans les cuisines collectives, on établit des liens entre le jardinage et l'état de la planète. Et ces choix écologiques, éthiques, se regroupent sous le concept de l'éco-alimentation. Lucie Sauvé, directrice de la chaire de recherche sur l'éducation relative à l'environnement, constate que les choses évoluent. Nous, on s'intéresse davantage aux initiatives d'éducation relative à l'éco-alimentation. Alors, on a tenté de répertorier toutes les formes d'initiatives, et elles sont très, très diverses, d'éducation à l'éco-alimentation. Quand on parle d'éco-alimentation, là, c'est toute la chaîne là, de production. Donc, de la ferme à la table et en passant par les marchés de solidarité, les réseaux de distribution, il commence à y avoir un fort beau foisonnement de cette éducation à l'éco-alimentation, qui est en fait une éducation au rapport à la vie, hein, au système de vie, à l'environnement et au rapport entre nous à travers l'alimentation. Éducation à l'environnement, au principe d'une meilleure alimentation, même si la fonction première de l'agriculture urbaine, c'est de produire des légumes à petite échelle et au cœur même de la ville, les avantages semblent représenter beaucoup plus que la stricte récolte. Moi, c'est Julia. Je travaille pour Action communautaire dans NDG. Ce qu'on fait, c'est des jardins collectifs. Moi, je travaille principalement avec des immigrants, donc des gens qui viennent d'arriver au pays, qui n'ont pas un grand réseau social, qui viennent se retrouver dans un jardin. Ils amènent leurs enfants, ils amènent des plantes de chez eux, des semences de chez eux. Et là, ils me disent « Aujourd'hui, c'est la première fois que je mange des légumes frais depuis que je suis arrivée au Canada. Je connaissais personne, mais là, j'ai de nouvelles amies. J'ai appris à faire un gâteau de fête pour mon enfant, parce que chez nous, on fête pas les anniversaires, mais là, il arrive ici puis il veut une fête comme son voisin. Donc, j'ai appris ça. Donc, je trouve que l'agriculture urbaine, pour moi, je vois vraiment une grande vision sociale où est-ce que, justement, on peut briser l'individualisme et renouer les communautés. Et je vois vraiment plein d'impact social positif, même s'ils sont à mini-échelle. Ils réussissent à changer la vie de certains individus, puis ça, j'y crois beaucoup. Une question quiz comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas le droit de fumer sur cette terrasse ici? Mosaïque, c'est un tabac. Les plantes tomates, vu que c'est la famille des solanacées qui est la même famille que le tabac, ça peut transmettre une maladie. À Québec, on prévoit récolter cette année 2 tonnes de nourriture sur les toits de la maison Laubrivière, une maison d'accueil pour sans-abri. À Montréal, les jardins sur les toits se multiplient. Mais pour Éric Duchemin, rien n'est gagné. Il y a une volonté, mais depuis longtemps, on est à 8500 parcelles. Et les nouveaux projets qu'on voit, des grands projets de développement à Montréal, ne tiennent jamais compte de ce programme-là d'agriculture urbaine. Il y a même une volonté de faire une stratégie de verdissement à Montréal qui ne tenait pas du tout compte de l'agriculture urbaine. Donc, il reste encore du chemin à faire. Il y a des personnes à la ville qui sont vendues, qui veulent le faire. Et notre travail à nous, ici, à l'École d'État, entre autres, c'est de mobiliser des citoyens, des organisations de terrain pour faire valoir que l'agriculture urbaine est vraiment une réalité. Et en plus, c'est pas uniquement du loisir, c'est beaucoup plus que ça. Bonjour. Je cherche le jardin. Le jardin? C'est juste un peu plus loin, à gauche. Merci. Démonstration de culture en bac. Sur le toit du pavillon des sciences de l'UQAM, les membres du collectif du Crapaud ont installé des contenants dans lesquels poussent des légumes, des fleurs, des herbes. Marie Eisenman, des urbainculteurs, une jeune entreprise de Québec qui met en marché des bacs de culture à haut rendement, explique aux étudiants de l'école d'été les mérites de la culture en contenant, qu'il s'agisse de bacs tout neufs ou de contenants recyclés. Il y a différents intérêts. Tout le monde, je pense, a très conscience du fait que c'est pas logique que nos aliments viennent d'aussi loin. Et puis qu'en ville, il y a énormément d'espaces qui sont inutilisés, que ce soit des toits, des stationnements, des terrains vagues, et qui peuvent être mis à profit, notamment par ce système de bac, quel qu'il soit, parce qu'on n'a pas besoin de décontaminer. Puis décontaminer, ça coûte très cher. Et il y a énormément d'endroits qui peuvent être mis à profit pour cultiver et donc rapprocher les aliments des consommateurs. Il y a aussi toute la notion de sécurité alimentaire, parce qu'il y a plein de gens, notamment à Montréal, des quartiers défavorisés, où les gens n'ont pas accès à des aliments de qualité, c'est-à-dire des aliments sains, des aliments frais. Et puis, en leur permettant de cultiver eux-mêmes, dans un jardin collectif, par exemple, ben, on leur donne l'accès. Puis, il y a le volet social aussi qui est très important dans le jardinage. On aime ça échanger sur ses choux, sur ses tomates. Alors, il y a plein de volets intéressants. Moi, c'est Antoine Trottier. Et vous allez m'expliquer ce que vous leur demandez de faire maintenant? Bien, en fait, c'est un atelier sur la confection de bacs pour les jardins, sur les balcons, sur les toits. Puis, en fait, c'est la deuxième équipe. La première avait réalisé les bacs. Puis là, je leur demande, en fait, de regarder si les bacs ont été bien conçus, s'il y a des petits problèmes ou qu'est-ce qui pourrait arriver comme problème avec ces bacs-là. Alors, comment recycler des pancartes électorales, des tuyaux de PVC, et des bacs de recyclage? Exactement. Parfait. Ça fait pousser des légumes, en plus. Alors, la première question, c'est comment amener les adolescents à s'intéresser à l'activité de jardinage? Avec la formation théorique, les ateliers pratiques, les participants de cette école d'été en agriculture urbaine ont aussi été appelés à réfléchir en groupe à des solutions à des problèmes particuliers. Comment intéresser les adolescents les plus difficiles au jardinage? Comment créer des liens entre les nouveaux arrivants et les jardiniers établis autour d'une planche de culture? La charrette développée par chacune des équipes devra créer des espaces essentiels à la culture maraîchère. Autre travail d'équipe, la charrette. Il s'agit d'un atelier de travail intensif, collectif autour d'un projet de revitalisation. Éric Duchemin. En fin de compte, ils travaillent sur les habitations Jeanne-Mance, donc en plein cœur centre-ville, un endroit qui a été construit à la fin des années 50. Ils travaillent sur les pavillons centraux de l'UQAM, donc très dense, encore Saint-Denis-Sainte-Catherine, avec des problèmes un peu de délinquance, des endroits où il y a beaucoup de seringues, donc ils peut-être travaillent pour rendre agréables ces lieux-là. Ils peut-être travaillent avec des jeunes de la rue aussi. Donc, des espaces qui sont à occuper, et qui sont déjà occupés, mais pas nécessairement de la façon qu'on voudrait qu'ils soient occupés, donc déjà occupés autrement. Et l'autre partie, c'est un quadrilatère autour de la rue du Lutte, dans tout Montréal, donc très dense. Je pense que les projets vont sûrement se recouper parce qu'il y a toujours une volonté de faire de la production. Je pense que les équipes sont animées par la même chose. C'est du monde très intéressé à l'agriculture urbaine qui sont présents à l'école et ils veulent vraiment concevoir quelque chose qui va être productif. Peut-être la grosse différence, c'est qu'il y a certains, ça va être de la sécurité alimentaire et vraiment on va vouloir faire de l'éducation, on va vouloir faire peut-être de l'insertion économique avec des communautés aussi complètement différentes, pas les mêmes types de légumes. Donc, il va falloir qu'ils réfléchissent à ça. On peut pas faire un jardin collectif où tout le monde va cultiver les mêmes légumes quand on ne mange pas les mêmes légumes. Donc, tandis que dans du lutte, c'est vraiment une cause environnementale, des gens qui sont très motivés pour faire un beau quartier avec peut-être des volontés environnementales plus que de sécurité alimentaire. Moi, je m'appelle Magdouda Oudjit. Je suis coordinatrice du réseau des jardins collectifs de Villeray. Il y en a beaucoup de jardiniers qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Dans notre quartier, il y avait la majorité des personnes, ils mangent juste certains légumes qu'ils connaissent. donner des, ils mangent les tomates sans problème, les poivrons, les piments doux sans problème. On a mis 2 ans pour introduire dans le jardin l'aubergine. Et j'ai mis 3 ans pour introduire dans les jardins la bétacarbe. Et après que j'ai introduit ces 2 légumes-là, ça a été plus facile d'introduire tous les légumes que je veux. La première école d'été en agriculture urbaine s'est terminée vendredi avec la présentation des projets de revitalisation devant les représentants de Nourrir Montréal et des élus. S'il est trop tôt pour savoir si ces charrettes auront des suites, il est certain qu'au cours de ces 5 jours, de nouvelles idées ont germé pour transformer quelques coins de la ville en jardins potagers et faire en sorte qu'on reconnaisse la réalité et les mérites de l'agriculture urbaine.